tu espoir, toi qui mettais ta vie dans nos mains. Est-ce que tu existes? Il fait trop noir dans mon esprit qui a de plus en plus peur. Es-tu un exorciste? Je suis à la traîne dans le circuit de la vie. T'es-tu perdu en chemin? C'est comment qu'on freine? Je vais droit dans le moisi. As-tu décidé que ma vie serait rien? Rends-moi mon destin.